Alors, c'est là qu'il faut quand même évoquer, effectivement, on a fait un petit saut en 83, j'aurais pu, avant, passer la parole à Gérard Poitou pour évoquer quelque chose qui n'est pas une production en termes de production vidéo, mais qui est quand même importante parce qu'elle faisait le point sur un état des choses, et c'était le petit musée de la vidéo. Comme je n'en ai aucun souvenir et que j'étais persuadé que ça s'était produit après mon départ, alors que c'est 82, j'aimerais mieux que ce soit Gérard qui en parle. Oui, disons que l'idée à l'époque, c'était aussi d'assurer une activité de diffusion vidéo. Donc le samedi après-midi, on avait un espèce de vidéoprojecteur qui était une usine à gaz qui émettait des radiations, enfin, tout ce qu'on veut, qui permettait de projeter sur une espèce d'écran semi-circulaire. Et on essayait de convier le public à venir voir de l'art vidéo. Et ça ne marchait pas du tout. Il n'y avait vraiment personne, ça n'intéressait vraiment personne. Donc un jour, on a eu comme ça, on s'est dit, tiens, peut-être que si on mettait quelque chose à manger, il y aurait peut-être un peu plus de monde dans ces activités-là. Mais là, tu vas parler des buffets vidéo, voilà. Alors que je voulais que tu parles du musée. Et alors, mais c'était lié, c'est-à-dire que l'idée après, c'est effectivement d'inviter régulièrement du public à venir, et les vidéos buffets ont l'immense mérite de ça a fonctionné, c'était archi plat, on était pris d'assaut, il y avait toujours, c'est devenu une espèce de truc incontournable. Et disons que effectivement l'honneur des vidéastes parisiens, c'était d'être invité au vidéo buffet. Et comme en même temps ça crée une espèce d'activité de présentation publique, on a eu l'idée, parce qu'on avait sur nos étagères des stocks de vieux matériel vidéo, etc., d'organiser un petit musée de la vidéo légère dont on voit quelques photos, qui est une exposition qui date de 82, je crois, où on a ressorti comme ça tout un tas de trucs qu'on a récupérés à droite à gauche. Y compris. Oui. Il n'y avait pas que le matériel de la maison de la culture. Non, il n'y avait pas que. Voilà, on a fait une espèce de. Alors, je ne sais pas du tout ce que sont devenues, du reste, toutes ces machines, qui ont été ensuite entreposées à la cave et qui ont disparu une à une. Mais voilà, donc on avait eu comme ça, on avait récupéré tout un tas de machins, parce qu'il faut vraiment dire que c'était des machins, qui permettaient de faire de la vidéo à l'époque. Mais c'est très précieux, parce que vous avez pris des photographies à l'époque, tu nous les as amenées là-dedans. Ce qu'on voit au-dessus, c'est le mélangeur qui permettait de faire de la vidéo. Et Sébastien donc les a scannés, il a mis beaucoup de temps à le faire. Et donc, c'est des sources extrêmement précieuses aussi, hein, ces photographies en termes de matériel. Pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment un repère pour travailler ensemble sur cette histoire des images. Il doit y avoir à peu près tous les standards qui ont pu exister en matière de vidéo à l'époque. Ça, c'est le porte-à-pac, c'est nous. Il y a une photo qui n'est pas sur PowerPoint parce qu'on a oublié de la rajouter à la dernière minute. C'est celle de Carole et Paul Roussopoulos, justement, devant le petit musée de la vidéo. On en a une qu'on mettra sur le carnet de recherche en ligne par la suite. Je ne voudrais pas bousculer, mais je vais parler des buffets vidéo en même temps. Oui. Parce qu'il est déjà 8h15. Donc les buffets vidéo ont commencé en janvier 83. Il s'agissait d'inviter une personnalité à présenter sa sélection de programmes vidéo. Le premier, pour attirer du monde, il nous fallait des noms connus. Donc le premier, on a fait venir un journaliste de Télérama, qui s'appelait Rémi Pernelet, qu'on a oublié depuis, mais qui était le spécialiste de la vidéo à l'époque. À Télérama, c'était le rédacteur en chef du supplément vidéo. Il y avait un supplément vidéo dans Télérama. Le deuxième, ça a été Jean-François Lacan du Monde. Le troisième, ça a été Jean-Paul Fargier. Le quatrième, ça a été Jean-Jacques Henry, qui était à l'époque le coordinateur des animateurs cinéma et vidéo de la décentralisation culturelle, qui a fait un programme très original à partir de sa télétech personnelle. Le cinquième, qui a été la catastrophe, ça a été celui d'un département où là, on a eu la pire. Alors, ils ont tous les vidéobuffets ont connu un succès extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait une salle, on les faisait dans la salle de 80 places et on refusait du monde à chaque fois. Celui d'un département a un peu choqué certaines personnes. On se demande un peu pourquoi. On va voir, d'ailleurs, c'est le cinquième. Donc, si on a, ça, c'est le tout premier. C'est le. Je fais juste une petite digression pour dire que donc enfin tu viens de le dire, mais que Michel Jaffrenou avait été l'un des invités et que c'est justement avec lui que se tiendra aussi la clôture de ce séminaire en, en juin, et donc je pense que c'est bien parce que d'évoquer le vidéo. C'est bien parce qu'on s'ennuie, on risque de pas s'ennuyer alors, parce que c'est Michel Jaffroy, mais j'en vois pas la bande. C'est la vidéo miracolo quand même. Ouais. Et qui vous racontera du week-end. Donc voilà le cinquième vidéo buffet d'un département. Les invitations faites par un département, c'est-à-dire que les gens avaient ces documents dans lesquels on va trouver. On peut continuer parce qu'il y a plusieurs. Voilà l'invitation. Donc Marcel Canche et Philippe Gasnier. On va voir l'hymne. C'est pas cher. On va voir l'hymne magrobien. On peut maigrir par l'oreille. Et on a dû rater le fameux article. Où la journaliste se plaint de la violence des images et que c'était un peu difficile à regarder. Le thème, c'était l'anthropophagie, donc oui. À partir des mouvements artistiques brésiliens. Et on avait disposé les téléviseurs sur des cages à oiseaux. Et en fait, il y avait des poules dedans. Et on proposait aux gens de manger du poulet. Et les poules étaient servies en même temps. Voilà. Donc on pouvait manger du poulet, mais le spectacle, c'était de voir des poules manger du poulet. Donc ça, c'était un peu... Donc après un département, on a fait donc un vidéo buffet avec Michel Jaffrenoux. Le septième, je ne sais plus qui l'avait animé. Et le huitième et dernier, parce que ça s'est arrêté à la mi-84, enfin, quand les choses ont commencé à se gâter pour nous. Non, il y a une suite quand même. Il n'y a pas une suite... Bah si, il y a une suite des vidéos buffets. Oui, mais après, on va en parler après. On va en parler après. Bon, je pense que c'est dans le même moment que les vidéos buffets que les gens des Beaux-Arts d'Orléans ont commencé à s'intéresser à nous et qu'est arrivé un jeune futur cinéaste qui était à ce moment-là étudiant aux Beaux-Arts et qui s'appelait Jean-Louis Guenet. Et Jean-Louis, on va passer maintenant des extraits de tes œuvres. Donc, est-ce que tu peux essayer de te souvenir de comment s'est passée ta rencontre avec la Maison de la Culture ? Alors, moi, je suis arrivé en 76 à Orléans, donc étudiant en Beaux-Arts. J'étais aux Beaux-Arts parce que j'avais vu sur le catalogue qu'il y avait une caméra 16 mm, mais qu'il n'y avait pas de bande montage quand je suis arrivé. Et quand j'ai appris qu'il y avait de la vidéo à la MCO, j'ai été un petit peu traîner mes guêtres là-bas et j'ai frappé à la porte. Et j'ai été accueilli par Pierre, qui m'a prêté du matériel tout de suite pour filmer, voilà, m'entraîner, j'allais dire, à pouvoir monter. Donc je passais beaucoup de temps sur le banc IVC 1 pouce qui est là, à monter, redémonter dans tous les sens les petites choses que je tournais à cette époque-là. Et entre-temps, après j'ai rencontré Philippe, on était colocataires, on a monté Orléans Film Fabrique, on a fait des projections et... De fil en aiguille, se sont créés pas mal de, comme on dit aujourd'hui, de synergies hein, entre les gens et les lieux. Bon, peut-être qu'on évoquera aussi un lieu parallèle qui a été créé par Philippe et Marcel, qui s'appelait Oulan-Bator, qui était une maison de la culture, une kitchen orléanaise. Voilà. Donc effectivement, dans ce cadre-là, moi j'ai fait pas mal de petites choses. Là, on voit des photos de la toute première vidéo que j'ai tournée, qui est en fait une semi... On était plutôt dans une approche plus expérimentale. Hein, moi, j'étais assez intéressé par le cinéma expérimental à l'époque. Donc, on était plus dans l'expérimentation et du temps et de l'espace. Donc, il y a deux vidéos que j'ai faites dans ce cadre-là. Donc, la fameuse maison hantée, qui est une maison qui était abandonnée à côté d'un appartement dans lequel on habitait, dans lequel j'avais réussi à pénétrer et qui était absolument laissé dans un état... c'est-à-dire pas impeccable parce que la maison avait vieilli, mais au fur et à mesure de la pérégrination du film, on tombe sur un, alors c'est très peu lisible, hein, sur ce petit télégramme où la personne dit « Maintenant seul, impossible de me rendre aux obsèques de ton fils, signé Oncle Maurice ». Et cette maison était totalement, c'était un appel à la fiction en permanence. Quoi. Donc voilà, ça c'est la première vidéo, et puis avec des objets assez étonnants voilà, donc dans cet espace. Une deuxième vidéo qui s'appelle alors qui a touché le Kleenex, c'est une période donc là on était très influencé, enfin moi j'étais très influencé par Michael Snow, un cinéaste canadien qu'on avait découvert et donc j'avais travaillé justement sur l'espace, hein, sur les idées d'espace. Je ne sais pas si vous connaissez Wavelength de Michael Snow, hein, ce long zoom avant qui va s'écraser sur une carte postale de paysage de vagues. Voilà. Donc j'étais assez influencé par ça. Donc il y avait une vidéo qu'on a retrouvée dans ma cave l'autre jour, qu'on a réussi à numériser, et un peu sauver d'ailleurs. Et on voit un peu des choses dedans. On peut en montrer un extrait. Voilà. Ah, l'extrait est très court. Oui. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont. Qui surgit. Oui. Il y a des choses qui se jouent beaucoup en off. Hein. Il y a un travail en direct de son, parce qu'on ne montait pas vraiment le son à l'époque. Hein. C'était quand même, si je me souviens bien, Pierre, on ne pouvait pas séparer son et image. C'est quand même un truc particulier à des vidéos de l'époque. On pouvait le faire. On pouvait. Ben bon, voilà. En tout cas, le travail était fait en direct au son. Et ça jouait beaucoup sur les lumières aussi. Hein. Bon, là. Il y a quoi, une dizaine de zooms comme ça avant, avec des espaces qui s'éclairent et qui s'éteignent suivant les zooms, et des sons off qui racontent aussi l'idée d'un couple qui vit. Voilà, c'était ça le principe. Ça a duré une dizaine de minutes, je crois, je sais plus. Plus que ça. C'était long, alors. Je pense que c'était un bon quart d'heure de zoom avant, avec simplement des changements de lumière pendant ces zooms. Quoi. Voilà. Ils étaient tous différents. Et en même temps, tous identiques. C'est simplement oui, il y avait pas le modelé de la lumière. Donc, on entend bien d'ailleurs la main sur le zoom. Hein, qui, oui, je remettais avec un zoom manuel. Et le titre, alors, on ne peut pas le deviner quand on voit cet extrait très court, mais le titre, c'est qu'en fait, ce zoom atterrit systématiquement sur une boîte de Kleenex, qu'au début du film, le Kleenex qui dépasse est dans une certaine forme, et que sur les derniers zooms, il est dans une autre forme. Donc quelqu'un avait entre-temps touché à ça, ce qui n'était pas prévu. C'est toi un titre. Donc ça nous a donné le titre. Voilà. Bon, après ça, Orléans peut s'enorgueillir d'avoir accueilli la première fiction de Jean-Louis Gonnet. Parce que tu n'as pas dit ce que tu faisais en même temps. Tu ne t'es pas présenté, finalement. Mais personne ne s'est présenté ici. Maintenant, tu veux dire ? Oui. Oui, je suis réalisateur, cinéaste, je fais du documentaire, beaucoup. Voilà. J'ai fait quelques fictions également, en court et en moyen métrage. J'ai fait pas mal de documentaires en soirée théma pour Arte. J'ai travaillé pour un magazine Metropolis, qui existe toujours d'ailleurs. Voilà, j'ai fait finir un documentaire, diffusé un documentaire sur France 3, sur les adolescents. J'en prépare un sur la forêt. Et alors celui, ce qu'on va alors voir ça, Natke, alors voilà. Donc c'est effectivement une période qui est intéressante parce que j'ai évoqué rapidement la naissance de leur film Fabrique. Je crois qu'il existe encore d'ailleurs, Philippe, cette association pour le cinéma expérimental. Et entre-temps, ça sera plutôt à Philippe de raconter la naissance de ce lieu. Non, on n'a pas le temps. Voilà, donc effectivement, on se fréquentait avec Philippe à département et est née cette idée de fiction. Alors, ça s'est organisé autour d'un élève des Beaux-Arts qui s'appelle Christophe Desforges, qui avait sa première grande expo, j'allais dire, dans le cadre de la Maison de la Culture. Et on s'est dit, tiens, si on allait voir Pierre, si on écrivait une fiction autour de ses peintures. Alors, c'était une histoire un peu bizarre et je l'ai coécrit avec quelqu'un qui s'appelait Frédéric Bass, qui s'appelle toujours Frédéric Bass, voilà. Et donc, on a demandé à Marcel Canche de jouer ce rôle-là. C'est pas été toujours simple. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, écoute, on va voir l'extrait. Il y a une petite pochette qui est sortie avec des photos. Dont on voit des extraits ici, la pochette. Alors, avec les photos, les lettres, l'enveloppe marquée Latke, ouais, des photos ouais. Et des lettres, et puis le générique. Voilà. Deux extraits très courts parce que le temps passe. Musique d'un département, pardon. Oui. Forcément. J'ai un peu peur que l'IA ne cesse jamais, que jamais quiconque puisse s'asseoir sans devoir rien à personne. Nous restâmes 5 jours à Cannes. J'étais logé dans une petite maison épargnée par les obus. J'ai visité des hôpitaux trop bruyants. J'ai vu l'incendie de l'ancienne préfecture. J'ai vu encore plus près du front d'autres blessés à l'agonie. Et je peux te dire que je me suis saoulé et que je me suis remis au piano pour qu'il me décharge un peu du poids de mon désarroi. Février, un port, la mer. J'ai enfin pu me persuader que je bougeais réellement. Je reviens vers l'ouest, loin des visages côtoyés dans les steppes, dans les gares, loin du visage du chirurgien si laid et du bras ensanglanté de cet artificier trop fatigué. Je dors sur le pont sans vernis de ce gros steamer malhabile dans la vague. Fallait-il être loin de vous, en route vers une autre guerre, pour croiser un corps sans arrière-pensée de vie, sans main dans la main, rien que l'entre-deux, pour laisser respirer difficilement, sans arrière-pensée de vie, sur tout ça. Dans un port étrangement silencieux et pourtant plein à craquer, comme si les habitants attentifs guettaient le bruit des légions qui viendra bientôt envahir ou libérer. Les rues, les places sont envahies par ces colonnes de réfugiés qui affluent de l'intérieur, absurdement chahutées par la milice gouvernementale qui les entasse dans des camps de fortune. D'autres venus seuls du sud, fiers de leur race nomade, construisent au long des quais des villages entiers à l'aide de vieilles caisses traînant sur les docks. Mais le plus pénible est de croiser, à l'heure du dîner, ces filles immobiles et résignées, attendant leur pitance claire et insipide. Deux extraits trop courts. Ben oui, c'est jour des coups, parce que j'ai pas vu ça depuis 83. Hein. Donc la personne qui disait, c'est Gérard Clavé, qui est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui était un de nos profs, qui nous accompagnait dans pas mal d'aventures. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, non? Sur Latke, non, je ne sais pas, voilà, donc c'était donc dans ce cadre de, de l'exposition. Donc c'est un film un peu bizarre, parce que là, tout d'un coup, je revois passer un travelling sur les peintures de Christophe. Ouais. Je me demande bien ce que ça fout là, toi, d'ailleurs. Il y en avait totalement déconnecté. Non, il y en avait plusieurs, en fait, ouais. Quand on regarde le film, et je pense que c'est parce que c'était effectivement en relation avec l'exposition de Christophe. Oui, je sais bien, c'était un peu le prétexte, en fait. Ouais. C'était vraiment un prétexte. Et le film, d'ailleurs, on l'a terminé. Le vernissage avait commencé, on devait diffuser le film, et on a fini le générique, et on est couru en bas de ton atelier pour le diffuser dans la salle de l'expo. Voilà. Film très influencé par le Wim Wenders, oui, le film du temps, Marguerite Duras. Voilà, donc on était beaucoup d'accord.